bonheur, car tu m'as offert du fond du cœur ce que tu avais en toi de meilleur. Je ne pourrais pas te dire pourquoi, mais je ne suis vraiment heureuse, crois-moi, que lorsque je me balade à ton bras. Oui, c'est vraiment toi, mon petit bonheur, malgré ton sourire un peu moqueur et tes petits défauts que je connais par cœur. Bien penser tout bas que je ne devrais pas t'aimer comme ça pour leur pardonner. Les gens ne savent pas, les gens ne savent pas, mon petit bonheur, que malgré mon rire un peu moqueur, je suis devant toi comme un enfant de cœur. J'ai beau prendre un air de tout casser, quand tu viens vers moi pour m'embrasser, je n'ai plus qu'à faire tes quatre volontés. C'est vraiment toi, mon petit bonheur, quand je vois dans tes yeux un peu de malheur, c'est plus fort que moi, je fonds comme du beurre. Je suis prête à faire n'importe quoi pour que tu oublies ce qui ne va pas et tu me possèdes comme ça chaque fois. Oui, tu me possèdes à chaque fois, mais ça m'est égal, et vois-tu pas que j'adore me faire posséder par toi. Toujours te faire plaisir et te satisfaire tes petits désirs, je suis prête à marcher et même à courir. Tu peux te conduire comme un démon, tu peux tout casser à la maison, c'est même encore moi qui te demande pardon. Seulement le sais-tu, mon petit bonheur, si tu peux jouer avec mon cœur, ne me quitte jamais autrement sur l'air. Tu me ferais du chagrin, toi mon petit bonheur, toi, mon petit bonheur, toi, mon petit bonheur, toi. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Bonjour à toutes, 13h33, et bien voilà, nous sommes déjà le mardi et nous entamons tout simplement une deuxième semaine pour le mois de janvier déjà. Voilà pour nous, nous sommes ensemble toute l'après-midi jusqu'à 17h avec toutes chansons différentes. Voilà donc, et puis aussi dans l'émission, ben, il y aura plus de chansons tout simplement. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec en duo Albino, tout simplement, et puis juste après, Alain Barrière. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Fiume che passa e che va, e la pioggia che

voici donc un Ben Ben en duo. Et puis juste après Anne Sylvest. Je n'ai pas évité. On me dit, n'en fais pas qu'à ta tête. Je ne vais pas me laisser faire. Je ne veux pas les écouter. Comme ça, faut faire ton cœur dans un papier sulfurisé avec une étiquette. Pas eu moyen de refuser, c'était pourtant pas ma fête. Ah, quel poison, quel embarras que d'avoir un cœur sur les bras. Que d'avoir un cœur sur les bras. Les autres me donnaient des fleurs dont je n'aimais pas la couleur. Après deux ou trois jours du moins, sans changer l'eau du vase, ne restait plus qu'un peu de foin trempant dans de la vase. Feuillets, dahlia, fleurs de pommier se retrouvaient sur le fumier. Se retrouvaient sur le fumier. Pour un cœur, c'est tout différent, ça pourrit pas, c'est bien vivant. Je n'allais pas me mettre au cou pendant à une chaîne. Puis il n'était pas à mon goût, un peu trop lourd de peine. Je l'ai posé sur le buffet, il y faisait beaucoup d'effet. Il y faisait beaucoup d'effet. Un cœur qui bat, ça fait du bruit, le tien me réveille la nuit. Et non content de mon émoi devant un tel vacarme, il déclenche quand tu penses à moi une sonnerie d'alarme. Je l'ai bien mis dans le jardin, mais il a meuté les voisins. Mais il a meuté les voisins. Par chance, un autre doux rêveur s'est présenté bardé de fleurs, revendiquant pour lui tout seul mon cœur, il est bien riche. Après avoir mis ses glaïeuls dans ma plus belle potiche, je lui ai refilé tranquillement ta mécanique à sentiments. Ta mécanique à sentiments. Fleurs contre cœur, cœur pour des fleurs, je dors tranquille, mais pour l'heure, mon soupir en béant de joie ne se lasse d'entendre sa sonnerie lorsque pour moi ta pensée se fait tendre. Où cela va-t-il nous conduire? Ça te regarde, à toi de choisir de la partie. Je me retire. Arc-en-ciel. Tu ne savais même pas danser. sais même pas chanter. Tu n'avais vraiment rien pour plaire qu'un tout petit air de misère. Je me moquais toujours de toi. Maintenant que tu n'es plus là, j'ai tant de peine, j'ai tant de peine. Et sur les joues, malgré moi, des larmes me viennent. J'ai tant de peine, j'ai tant de peine. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai de la peine. Tu n'étais ni beau ni galant, et bien loin d'un prince charmant. Tu n'étais pas intelligent, pas très amusant. Je me moquais toujours de toi. Maintenant que tu n'es plus là, j'ai tant de peine, j'ai tant de peine. Et sur les joues, malgré moi, des larmes me viennent. J'ai tant de peine, j'ai tant de peine. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai de la peine. Tu n'étais pas très courageux, t'es pas très amoureux. Tu étais toujours en colère contre le restant de la terre. Je me moquais toujours de toi. Maintenant que tu n'es plus là, j'ai tant de peine.

Carole Arnaud et puis juste après Céline Dion. C'est pas facile de regarder une photo de toi. C'est pas facile de ne pas pleurer lorsque je pense à toi. Je veux plus me dire que c'est fini. Je veux plus me dire que t'es parti. Que tu es là, tout seul là-haut au paradis. C'est pas facile d'aimer la vie quand elle nous a tout pris. De te chercher dans cette maison où nous avons grandi. Autour de nous, tout continue. Même si les autres s'habituent, ici maman ne sera jamais plus comme avant. C'est pas d'imaginer que tu ne seras plus là. C'est pas facile d'oublier le timbre de ta voix. Je veux te revivre dans ma vie. Je veux te revivre dans mes rêves. Et me construire un monde où tout n'est pas fini. C'est pas facile de la chanter, cette chanson, tu vois. C'est pas facile. Y aller parce qu'elle parle de toi. Ce fou qui ne savait pas conduire, j'ai pas fini de le maudire. Les poings serrés vers toi jusqu'à l'éternité. C'est pas facile. T'as pas eu d'avoir 100 ans, t'as pas eu le temps de nous faire un enfant et de lui donner le nom de nos parents. C'est pas facile. C'est pas facile de regarder les photos de toi. De ne pas pleurer lorsque je pense à toi. Je veux plus me dire que c'est fini. Je veux plus me dire que t'es parti. Que tu es là, tout seul là-haut au paradis. C'est pas facile. C'est pas facile. De plus, la 4 elle est morte, on a repeint la rue. Elisa dedans, petit Jean, l'écran est fort. Je prends la guitare, j'en suis à 3 accords. J'ai trouvé des girolles au marché ce matin. J'aimerais vivre à Rome. Oh, j'aimerais bien. J'ai planté des tulipes et le tarte à éclore. C'est tout, je crois. Ah oui, je t'aime encore.

avec toi, ma vie commence. C'est le début de ma chance. Et c'est la merveilleuse sensation d'être en vacances. Avec toi, je vis plus vite. Et j'ai peur que tu me quittes. C'est pourquoi tout près de toi j'ai besoin de réussite. Oh oui, je t'aime. Tu me fais découvrir dans la vie ce qui la rend vraiment plus jolie. Alors ne change rien, non plus rien, non plus rien. Avec toi, ma vie commence. C'est le début de ma chance. Car le jour où tu m'as embrassé, je n'ai plus voulu te quitter. Avec toi, je vis plus vite. Et j'ai peur que tu me quittes. C'est pourquoi tout près de toi j'ai besoin de réussite. Oh oui, je t'aime. Tu me fais découvrir dans la vie ce qui la rend vraiment plus jolie. Alors ne change rien, non plus rien, non plus rien. Avec toi, ma vie commence. Commence. We'll be right back. dirais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Voici Daniel Guichard et puis juste après Daniel Denon. Quand on est petit, on a envie d'être embrassé. Et puis on vieillit, on tue sa vie. On est pressé et de maladresse en erreur, on suit des sentiers où le mot bonheur tombe à côté. C'est pas facile d'aimer comme on le voudrait. C'est pas facile. Comme on le croyait, face au temps qui passe, on oublie quelques illusions. On est face à face avec je vis et nous vivons. Quand il faut choisir entre mes amours et le sien, je sens l'avenir très incertain. C'est pas facile d'aimer comme on le voudrait. C'est pas facile d'aimer comme on le croyait. Quand on s'accompagne à vivre à deux, le quotidien, c'est l'autre qui gagne, même si on a tout dans les mains. Je la dévisage, le cœur au bout de mes regrets. Elle est le voyage de mes après. C'est pas facile. Comme on le voudrait, c'est pas facile d'aimer. Comme on le croyait, c'est pas facile d'aimer. Comme on le voudrait, c'est pas facile d'aimer. Comme on le croyait. Les fleurs, je ne sais pas parler d'amour. C'est que peut-être j'ai dans le cœur plus de tendresse que de discours. Souvent, qui sait, j'ai très envie de te serrer entre mes bras. Pourtant j'hésite et je me dis que tu vas te moquer de moi. Je t'aime, tu vois, mais je ne le dis pas. Je n'aime que toi, mais tu ne le sais pas. Je t'aime, tu vois, plus fort de jour en jour. Je n'aime que toi. Je ne sais pas te consoler quand je vois que ça ne va pas. et je m'en veux de m'énerver d'être à ce point si maladroit. Le soir venu, quand tu t'endors, quand je te sais trop fatigué, bien que je rêve de ton corps, je n'ose pas le réveiller. Je t'aime, tu vois, et je ne le dis pas. Je n'aime que toi, et tu ne le sais pas. Le cœur moins lourd. Je sais que tu m'attends et que bientôt viendra le jour où je pourrai enfin dire adieu à cette ville du bout du monde, plier bagage et les larmes aux yeux, prendre la route vers le ciel bleu. Oh, oh, oh, oh, oh. Qui fait battre mon cœur, c'est toi chérie, qui me donne les joies. n'avait son éclat. Il y en a des belles et il y en a des tas, mais des filles comme toi, il n'y en a pas. C'est toi. vie et vive l'amour. Et c'est ça que j'aimerais toujours. Et vive la vie et vive l'amour. Et c'est ça que j'aimerais toujours. Et vive la vie. Donc, il s'appelle tout simplement avant, on écoutera Dean Martin et puis juste après, donc, eh bien, Dick Rivers. Darling, je vous aime beaucoup. Je ne sais pas what to do. You know you completely stolen my heart. Morning, noon, and night time too. Toujours wondering what to do. That's the way I felt right from the start. Ah, chérie. My love for you is très, très fort. Wish my friends were good enough. I'd tell you so much more. But I hope that you comprehend all the things you mean to me. Darling, je vous aime beaucoup. I love you, yes, I do. Wish my friends were good enough. I'd tell you so much more. But I hope that you can bring all the things you mean to me. Darling, je vous aime beaucoup. I love you. Yes, I do. partir. Je me disais, elle saura revenir. Elle-même, elle l'a trouvé sans et sans foi. Mais le temps passe et tu ne reviens pas. Reviens, le temps de te dire au revoir. que toi te le dirais vraiment. Le difficile, je n'aime que toi. Les chansons ne disent que ça. Je n'aime que toi. Je n'aime que toi, devant toi, je deviens fragile. Je n'aime que toi, tu es ma belle témoin. Allons, Achille. Je n'aime que toi, au-delà de toute passion. Je n'aime que toi. Voici donc Elsa, et puis suivi de Enrico Macias. Si tu

ciel. d'années, honneur ce qui ne pourront jamais en mourir. Mais ce soir, on va se dépasser, faire la fête, au nom de l'amitié, simplement pour chanter. Et mon Franck Michael. Je ne sais pas pourquoi, pourquoi je t'ai suivi un soir chez toi. Mais en tout cas, je sais que depuis ce jour-là, on est heureux, si heureux tous les deux. J'ai changé grâce à toi, oui je l'avoue. Je n'oublie plus mes rendez-vous. Je suis moins fou, la vie est comme un ciel tout bleu.

attendre rien, mais pour le plaisir. Regarder une fille dans la rue et se dire qu'elle est belle, sans même aller plus loin, mais pour le plaisir. En passant, simplement, lui sourire, pour le plaisir, prendre le temps en temps, de refaire la lame à l'enfant, et c'est bon. Suivi de Hugo Pascal. Reviens, elle est là, près de moi, elle est belle. Je te vois quand je suis avec elle. Après tout, après toi, je n'ai rien, tu sais bien. Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. C'est écrit, c'est certain, je l'oublie. J'ai gardé une place au soleil pour toi. J'ai fait l'amour avec elle, de toi à moi. Reviens, on va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. C'est si bien. elle sourit, elle est belle, elle est bien quand je suis avec elle. Elle est là, près de moi, et c'est toi que je vois. Traverser du désert pour toi, pour moi. On a bien raison de la faire, de toi à moi. Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. C'est certain. Je ne peux pas. d'un matin de printemps. On va tirer de l'insommeil les belles au bois dormant. Et à ce jeu-là, on gagne une barre au doigt. Quand on aime, on ne choisit pas. On suit les chemins du cœur. C'est toujours l'amour qui fait la loi. Quand les arbres sont en fleurs. Cet enfant qui demain va naître, on dit, ce sera un garçon ou cette fille peut-être, que personne n'attend, mais qui mettra dans nos cœurs le même bonheur. Comme toi qui dort en rêvant à toi, comme toi, Tu triches bien, je te devine. juste un mot à dire, ainsi soit-il. Qu'est-ce que tu me veux? Pour un soupir de lassitude, tu ne me comprendras jamais. Pour moi, c'est comme une habitude. Je rêve encore l'amour entier, dans l'addition de solitude. Je ne sais rien vivre à moitié. Pour moi, c'est la seule certitude. Est-ce que tu me veux? Voilà donc, eh bien, c'est cette chanson-là qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver tout simplement, eh bien, vendredi, tout simplement, à partir de 13h30. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Et où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à ces mois. Téléphone 02 38 22 12 22. Botar no chão, tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço. Oui, oui, oui, oui, oui. E se... Le samedi 3 février 2024, Radio Arc-en-Ciel organise son bal des amoureux au Baile do Namoraj. Pour la première fois sur Orléans, Zé Amaro et son orchestre venu du Portugal. La première partie sera assurée par DJ Mocker. Vente des billets en pré-vente à 15 euros dans les locaux de Radio Arc-en-Ciel ou au 07 60 18 65 41 ou bien au 02 38 43 50 0. Prix du billet sur place, 20 euros. Enfants de moins de 10 ans, gratuit. Réservez vite et venez nous rendre visite le samedi 3 février. Ouverture des festivités à partir de 20h avec un service snacking sur place. Le 3 février à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc, le grand Zé Amaro et son orchestre, venu du Portugal. Et DJ Mock nous fera danser au départ, mais aussi à la fin. Reste avec vous. Une organisation à Radio Arc-en-Ciel. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Levanta o braço, bate com a bota no chão. Tira o chapéu e põe a mão no coração. Ouverture de la boulangerie artisanale, l'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité? La boulangerie artisanale L'Atelier Papille s'installe à Fleury-les-Aubrais. Nos boulangers passionnés vous préparent chaque matin à l'Atelier Papille des pains de qualité. Faits maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez

vista, perto do coração. Boa tarde, são 4 horas no continente e na Madeira, 3 da tarde nos Açores. Vamos olhar para as notícias que estão a marcar esta terça-feira, Miguel Soares. Protesto da polícia, o ministro da Administração Interna diz que está atento à tentativa de instrumentalização política, assegura estar do lado dos polícias. José Luís Carneiro explica que está em curso um esforço para valorizar o trabalho dos agentes. O diretor nacional da PSP defende um suplemento de missão idêntico ao aprovado para os inspectores da Polícia Judiciária. O líder do PSD espera que seja encontrada em breve uma solução viável para o grupo Global Média. Luís Montenegro faz um apelo e aos poderes públicos que vamos escutar nesta edição. Os bombeiros vão fazer um compasso de espera, adiam a cobrança de taxas aos hospitais. A esta hora, 9 graus no Porto, estão 11 em Lisboa, 13 em Faro, nas ilhas 17 em Ponta Delgada e 22 no Funchal. Edição das 4 com Miguel Soares. O ministro da Administração Interna assegura estar do lado dos polícias e garante a Ana Isabel Costa que está em curso um processo de melhorar as condições remuneratórias dos agentes. Está do lado dos polícias, garante José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, que fala sobre o esforço financeiro feito pelo Ministério para melhorar as condições de vida dos polícias, quer da PSP, quer da GNR. Apesar disso e deste esforço, o ministro entende que este protesto que está a ser levado a cabo tem de ser entendido como um protesto legítimo. Aquilo que eu quero dizer é que é legítimo que todas as forças de segurança, onde está a Polícia de Segurança Pública, onde está a Guarda Nacional Republicana, onde estão outras forças e serviços de segurança, porque não é apenas a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana que se têm vindo a manifestar, estão os serviços prisionais, estão as forças, nomeadamente das Forças Armadas, e portanto aquilo que eu quero dizer é que nós temos que continuar a trabalhar para aproximar as condições remuneratórias, melhorando as condições remuneratórias das forças de segurança. Esse é o caminho que tem vindo a ser feito. Melhorar as condições remuneratórias, garante José Luís Carneiro, que nunca se compromete com a criação de um subsídio único, como o que é atualmente aplicado à Polícia Judiciária, mas diz que já existe um subsídio de penosidade na PSP. Porque há um suplemento por serviço das Forças de Segurança. Esse suplemento por serviço das Forças de Segurança, que tem que cobre o risco, que cobre a penosidade, tem uma componente fixa e tem uma componente variável. Esse suplemento por serviço nas Forças de Segurança varia entre 292 euros e 1.143 euros. Quanto aos carros, o problema está prestes a ser resolvido, garante José Luís Carneiro. Sobre as viaturas, queria dar conta do seguinte. Para além desse concurso público para 34 milhões, que faz parte de um conjunto de mais de 60 milhões para novas viaturas, o Tribunal de Contas autorizou e deu o seu parecer favorável em setembro de 23 para 7 milhões de euros destinados à regularização, à renovação e também, sobretudo, às revisões de viaturas que era necessário fazer. Há dinheiro para renovar a frota, garante José Luís Carneiro. Enquanto não há novos carros, vão ser solicitadas viaturas a outros comandos da PSP para reforçar o Comando Metropolitano de Lisboa. O ministro, apesar de dizer que considera legítimo o protesto dos elementos das forças de segurança, lamenta a instrumentalização que alguns partidos estão a fazer deste protesto dos polícias. Refiro que hoje à tarde PSD e PCP estão a receber elementos da polícia. O ministro da Administração Interna não promete equiparar os suplementos de missão dos agentes da PSP aos da PJ. José Luís Carneiro sublinha, porém, que há um esforço no sentido de melhorar as condições remuneratórias dos polícias e admite ter ficado atento à tentativa de instrumentalização por parte de algumas forças com expressão política. O diretor nacional da PSP assume que seria justo os agentes da PSP terem direito a um suplemento de missão idêntico ao que foi aprovado pelo governo para os inspectores da PJ, numa altura em que os sindicatos têm em marcha várias ações de protesto. Barros Correia diz que os profissionais da Polícia de Segurança Pública merecem esse reconhecimento. Eu fico muito satisfeito com aquilo que a Polícia Judiciária conseguiu. E fico efetivamente muito satisfeito que isso tenha acontecido. E aquilo que nós da PSP também gostaríamos que acontecesse é que efetivamente houvesse um reconhecimento do mesmo tipo para a PSP. Relativamente às formas de luta, isso são questões que estão em fase de avaliação, teremos que perceber o que é que efetivamente aconteceu. Em declarações ao início da tarde aos jornalistas, o diretor nacional da PSP anunciou que vai ser feita uma avaliação às viaturas da polícia paradas em Lisboa. Barros Correia anuncia ainda que vão ser desviados para a capital viaturas de outros comandos do país. Neste momento, a Direção Nacional está a promover naturalmente uma avaliação das viaturas onde se percebe ou se vai pretender perceber aquelas reparações que à partida são mais ligeiras, no sentido de priorizar, portanto, a solução para esses problemas. Para além disso, está a ser feito também um levantamento relativamente às necessidades de viaturas do Comando de Montanha de Lisboa, no sentido do Comando de Montanha de Lisboa ser reforçado com viaturas, portanto, dos outros comandos, no sentido de minimizar a dificuldade. O diretor nacional da PSP. O líder do Chega anuncia, entretanto, que o partido vai apresentar na Assembleia da República uma proposta para que os suplementos remuneratórios da Polícia Judiciária sejam também atribuídos às forças de segurança. O líder social-democrata considera que a situação na PSP é resultado do desinvestimento do governo nos últimos 8 anos. Isto é o resultado de 8 anos de políticas públicas em que houve um grande desinvestimento na administração pública e em muitas das condições nas quais os prestadores de serviço, nomeadamente no caso da segurança, acabaram por se confrontar. Aquilo que eu queria, em primeiro lugar, era dar uma palavra de solidariedade a todos quantos prestam serviço nas forças e serviços de segurança e dizer-lhes que a nossa expectativa, o nosso empenho é, num futuro próximo, tornarmos a ter uma valorização das suas carreiras, tornarmos a ter uma valorização das condições para um trabalho digno. Luís Montenegro. O presidente da Iniciativa Liberal considera que, aliás, diz que o partido vai receber os sindicatos que representam a PSP, que pediram audiência no Parlamento. Rui Rocha atribui a situação atual dos agentes à forma como o Estado tem desperdiçado recursos em setores que não são essenciais. Seria muito mais fácil que as funções de soberania e as funções essenciais do Estado, por um lado, fossem cumpridas, que não houvesse situações como as que vemos nestes dias nas urgências, a questão da educação e também as condições de trabalho profissionais das polícias, nomeadamente as questões remuneratórias, mas também todas as condições de instalações, de burocracia que não desaparece, tudo isso. Se houvesse um investimento dedicado àquilo que é essencial da função do Estado, não estaríamos neste estado, muitas vezes, de abandono de funções essenciais e funções de soberania. A Iniciativa Liberal anuncia, entretanto, que vai votar a favor do projeto de resolução do TGV para que Portugal não perca fundos comunitários. Alta velocidade é um projeto estruturante.